Chapitre 8e. Il était 8 heures du soir quand l'abbé Lampequin, à qui depuis la suppression du whist de Loisy le temps paraissait bien long, sonna à la porte de M. Berthemont. C'était là tout un événement, car à Lompré les passants et les visiteurs sont rares par ailleurs. Introduit aussitôt, l'abbé trouva M. Berthemont et Gabriel seuls dans leur petit salon du rez-de-chaussée. Pas de livre ouvert, le piano encombré, il était évident qu'ils causaient. L'abbé, d'ordinaire un peu rougeau, était pâle sous le coup d'une émotion qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Berthemont, grave, avait eu peine à esquisser le sourire de bienvenue. Quant à Gabriel, elle avait tendu sa main, se mordant les lèvres pour réprimer des larmes toutes prêtes à rouler de ses paupières. L'abbé, lui, ne dit rien tout d'abord. Il posa son chapeau et sa canne sur un meuble, puis vint s'asseoir en face de Berthemont, se frottant les genoux de la paume de la main, évidemment embarrassé. Gabriel était resté debout, regardant le brave curé, attendant qu'il parlât. « Quelle bonne surprise !» dit enfin Berthemont, s'efforçant d'écarter les préoccupations qui l'oppressaient. « À quoi devons-nous votre trop rare visite ?» L'abbé secoua la tête comme pour protester contre le ton trop léger de cette question. Puis il regarda autour de lui et ses yeux s'arrêtèrent sur Gabriel. Il les détourna vivement. « J'aurai à vous parler, monsieur Berthemont, » dit-il, « à vous parler sérieusement et confidentiellement. » Il appuya sur l'adverbe, évidemment à l'intention de Gabriel. « Monsieur le curé, » dit la jeune fille, « je me retirerai si vous le désirez. Mais aujourd'hui, je crois que nous pensons tous au même sujet et que je puis rester. Qu'en penses-tu, père ?» L'abbé paraissait surpris. « Il s'agit de Georges, n'est-ce pas ? » demanda Berthemont en baissant la voix. « Oui. Eh bien, vous n'apprendrez rien à Gabriel qu'elle ne sache ou qu'elle n'ait déjà deviné. De plus, elle peut être de bon conseil, et si à votre tour vous n'insistez pas... » Le curé baissa la tête. « C'est vrai, » fit-il, « vous savez tout, ou presque tout. » Et il ajouta avec un découragement profond. « C'est épouvantable. » Gabriel comprit la signification profonde de cette exclamation, et malgré elle, se sentant faiblir, elle se laissa tomber sur un fauteuil. Il y eut un nouveau silence. « Ainsi, » demanda M. Berthemont, « vous savez quelque chose de positif, c'est bien vrai. Ce pauvre Georges a été assassiné, et assassiné par... »« Eh bien non !» s'écria l'abbé. « Non, je ne puis croire encore. Dieu ne peut pas mettre au cœur d'un homme, presque d'un enfant, une telle perversité. N'accusez pas le Dieu que vous respectez, » dit gravement Berthemont. « Je crois que ce crime, comme tant d'autres, a des causes purement humaines, et que la nature est seule coupable. Oh, je ne discute pas, j'ai la tête brisée. Tout à l'heure j'ai cru que j'en deviendrais fou, mais je me suis dit que je ne pouvais rester seul à porter un pareil fardeau, et je suis venu vous trouver. Vous avez bien fait. D'autant plus qu'il faut aviser qu'il y a péril, très grand péril, et que j'ignore absolument comment tout cela se terminera. » Le pauvre curé semblait se parler à lui-même. Il s'agitait, esquissait des gestes inachevés, comme si sa propre sûreté se fût trouvée en danger. Mais d'abord, fit Berthemont, dites-nous ce qui s'est passé. Gardons notre sang-froid. La situation est très grave, je le sais, je le sens. Mais entre gens de cœur, on peut résoudre bien des problèmes. Vous avez raison. Mais que voulez-vous? Le coup a été si brutal que mes idées dansent dans ma tête. Il y a une heure à peine que Thomas est sorti de chez moi. Thomas? Ah, nos craintes ne nous avaient pas trompés. Encore est-il heureux qu'il soit allé chez vous. C'est vrai. Et je l'ai bien remercié. Ce n'est pas un bien bon catholique que Thomas, mais je lui pardonne tout pour la confiance qu'il a mise en moi. S'est-il donc confessé? Non, il n'a pas voulu. Il a beau avoir oublié son catéchisme, il sait bien que les prêtres sont tenus au secret. Et il ne voulait pas de secret, si bien que d'abord je refusais de l'entendre. Il a insisté. Oh, il n'a pas eu bien longtemps à se débattre. Comme je me défendais, exigeant, par une sorte de lâcheté, je l'avoue, qu'il me lia au silence forcé, il m'a dit. L'abbé s'arrêta, ayant de la sueur au front. « Il vous a dit, » prononça Gabriel, « qu'Abel Loisy a tué son frère. » À ce mot positif, le curé frissonna. « C'est bien cela ? » demanda M. Berthemont. « Oui, » fit l'abbé, « mais il n'a pas de preuves. » Se hâta-t-il d'ajouter. « Je le lui ai répété 20 fois, ce sont des présomptions. » « Ce n'est pas vrai, ce ne peut être vrai. »« Croyez-vous sincèrement que ce ne soit pas vrai ?» demanda Gabriel, dont la voix tremblait comme dans la fièvre. Je ne sais. Aussi bien, puisque je suis venu vous parler, je vais tout vous dire. Mais songez-y bien, il faut que nous prenions l'engagement de tout faire pour sauver ce malheureux. Lui ? S'écria Gabriel dans un élan insurmontable de colère, presque de haine. Mon enfant, reprit l'abbé presque sévèrement, la religieuse veut qu'on soit miséricordieux à ceux qui ont failli. Et la science n'est jamais impitoyable, ajouta Berthemont. Du courage, Gabriel, et d'abord, écoute. La jeune fille se tut, mais sa poitrine oppressée disait éloquemment la contrainte qu'elle s'imposait. Je vous supplie de ne pas m'interrompre, reprit le curé. J'ai moi-même à peine le courage de parler. Laissez-moi ma force. J'étais absent lorsqu'a eu lieu, chez mes pauvres amis, la descente de justice. Je ne l'ai apprise qu'à mon retour. On m'en a parlé tout de suite avec ces malices de paysans que je connais si bien. J'interrogeais et je ne pouvais rien apprendre. Voisineau arrêté, trouvé nanti du fusil de Georges. Oh, il n'était pas l'assassin, bien sûr. Seulement, ça pourrait bien servir à le découvrir. Que signifiait tout cela? Je fis le projet d'aller le soir même chez Madame Loisy, mais mes occupations me retinrent à la cure. La nuit venait, je remis ma visite à demain. Il y eut un long silence que troubla tout à coup la voix de Gabriel. La pauvre fille éprouvait des tortures infinies. À mesure que les soupçons conçus contre Abel prenaient plus de corps, jusqu'à présenter même maintenant un caractère presque de certitude, son imagination surexcitée lui montrait l'horrible scène dans laquelle Georges avait succombé. Certes, elle ne discutait pas les détails. Elle voyait Abel poussant Georges, le précipitant dans le trou ouvert dans la glace. Sans doute, il était venu d'avance préparer le piège. C'était plus infâme encore. Mais ce qui poignait Gabriel à la faire crier, c'était de songer que Georges s'était débattu, avait lutté et avait senti enfin l'épouvantable asphyxie tordre ses poumons et convulser ses lèvres. Elle eut un mouvement d'exaltation fiévreuse. « Qui tue doit être tué » s'écria-t-elle. « Que Thomas parle, ou s'il ne parle pas, c'est moi, oui, moi, qui dénoncerai ce misérable. Mon Dieu, mon Dieu !» Il s'affaissa, sanglotante, en proie à une sorte de crise qui l'ébranlait jusqu'aux fibres les plus profondes de son âme. Berthemont s'est élevé, courant à elle. Il l'entourait de ses bras, l'appelant, s'efforçant de trouver des paroles consolatrices. L'abbé Lampequin, perdant la tête, cherchait du vinaigre, des sels. « Ah, je ne puis plus !» murmura-t-elle avec un accent d'indicible épuisement. « Laissez-moi, je veux pleurer !» Elle se leva, et s'appuyant au bras de son père, adressant un signe navré au curé, elle alla vers sa chambre. Les deux hommes restèrent seuls. Pendant quelques instants, ils n'échangèrent pas un mot, réfléchissant tous deux à la sinistre tragédie qui mettait en jeu tant d'existences. Ils ne songeaient même pas à discuter la culpabilité d'Abel. On eût dit que tous deux avaient dès longtemps lu dans ce cœur fielleux et mauvais. « Prenons un parti, » dit enfin M. Berthemont. « Pour moi, il est évident que Thomas mettra ses menaces à exécution. Abel est désagréable avec les serviteurs, rogue et parfois brutal. En admettant même que nous obtenions quelque répit de cet homme, il suffirait de la plus légère circonstance pour déterminer l'explosion. Le châtiment du coupable ne m'effraie pas. Mais Loisy, le malheureux, mais sa pauvre femme. L'abbé avait lui aussi songé à tout cela. Était-il possible qu'un scandale aussi terrible éclatât dans une maison amie sans qu'il tentasse tout pour l'éviter? Mais, d'autre part, continue Berthemont, comment amener le départ de cet Abel sans que sa mère en soupçonne la véritable raison? Il est évident que sa vue exaspère ici les soupçons. Comme l'a dit Thomas, on pourrait craindre une véritable émeute. Une sorte d'exécution selon la loi de Lynch. Ces gens calmes sont effrayants quand la passion les affole. Il faut qu'Abel s'enfuie de la maison paternelle. Le voudra-t-il? Il aura peur. Il niera tout, c'est un hypocrite, donc un impudent. Mais quel autre moyen s'adresser à sa mère et lui avouer que ce fils qu'elle a aimé a tué celui qu'elle a tant aimé? C'est supplicier cette mère. Je puis, dit l'abbé, appeler Abel en confession. Le contraindre à tout avouer, alors il consentira à partir. Partir? Mais vous oubliez que cet Abel est un enfant. Pire que cela, un infirme. Où ira-t-il? Que deviendra-t-il? Il est incapable de se conduire lui-même. Qu'il s'engage. On le refusera comme trop faible de constitution. de quelque côté qu'ils étudiassent la question, ils ne rencontraient que l'impossible. L'expérience même qu'ils avaient de la vie et des hommes les empêchait de s'arrêter à une illusion. « Il faut cependant en finir, » dit Berthemont. « Voici ce que je vous propose. Demain matin, nous irons à la maison Loisy et nous tenterons un effort sur Abel lui-même. Si nous pouvons lui prouver que son crime est connu et le décider à partir, peut-être trouvera-t-il quelque moyen de sortir de cette situation inextricable. C'est, vous dis-je, un hypocrite fieffé. Son prétendu dévouement à son père prouve la profondeur de cette perversité. Il a tout calculé. Il joue depuis la mort de son frère un rôle qu'il n'a jamais oublié. Le misérable peut être déjà tout un plan d'évasion, au cas où le crime serait découvert. Ne le croyez-vous pas, comme moi? C'est possible, après tout. Donc, adressons-nous à lui. Point de sévérité excessive. Qu'il croit voir en nous des amis, presque des complices de ses mensonges, en tout cas des alliés. Sauvons-le pour sauver cette famille que nous aimons. Êtes-vous de mon avis? Le curé lui tendit la main. Je vous obéirai en tout. Ah, monsieur Berthemont, fit le brave homme en levant les yeux au ciel, nous croyons toujours avoir sondé le fond de la conscience humaine, et au-dessous de notre expérience, nous découvrons toujours des abîmes. À demain, donc, j'irai vous prendre de bonne heure.